Chapitre 3. La gloire du nom. Une heure plus tard, François pénétrait dans le manoir de Montmorency. Il avait remis la jeune épousée tout en pleurs aux mains de la nourrice, confidente de leurs amours, et, serrant Jeanne dans ses bras, il lui avait dit qu'il serait de retour près d'elle à la pointe du jour, dès qu'il aurait salué son père, dont un cavalier lui avait annoncé l'arrivée. Lorsque François entra dans la salle des armes, il vit le connétable Anne de Montmorency assis dans un somptueux fauteuil surélevé de 3 marches sous un dais de velours frangé d'or que soutenaient des lances. L'immense salle était éclairée violemment par 12 candélabres de bronze supportant chacun 12 flambeaux de cire. Les murs étaient couverts de tapisseries énormes sur lesquelles scintillaient de lourdes épées et fulguraient des dagues. Une 10aine de portraits s'encadraient dans ces panoplies, et sur le panneau qui faisait face au trône, c'était le portrait du premier ancêtre, de ce bouchard aux traits rudes, qui, un moment, avait tenu dans ses mains violentes la couronne de France. Les armures, cuissardes, brassards, casques empanachés, luisaient au pied de ces tableaux, et il semblait que les aïeux n'eussent eu qu'à descendre pour s'en revêtir. Sur son trône, le vieux connétable, cuirassé, bardé d'acier, son casque aux mains d'un page près de lui, ses 2 mains appuyées sur le formidable estramaçon, ses sourcils froncés. 50 capitaines, immobiles à ses côtés, attendaient en silence. Et lui-même semblait un de ces antiques guerriers qui décidaient du sort des batailles géantes. Depuis Marignan, où François Ier l'avait embrassé, jusqu'à Bordeaux, où il avait massacré en masse les Huguenots et sauvé la religion, que de terribles coups il avait portés. François n'avait pas vu son père depuis 2 ans. Il s'avança jusqu'au pied du trône. Près de ce trône se tenait Henri, arrivé depuis 1 quart d'heure. Il était blême et tremblant. À quoi songeait ce jeune homme de 20 ans? Quelles confuses et funestes pensées de fratricide roulaient lourdement dans sa tête comme des nuées fuligineuses sur un ciel d'ouragan. François de Montmorency ne vit pas le regard sanglant de son frère. Profondément, il s'inclina devant le chef de la famille. Le connétable, voyant la forte carrure de son aîné et sa taille vigoureuse, eut un sourire. Ce furent toutes ses effusions paternelles. Alors, sans un geste, il parla, tranquille et terrible. « Écoutez-moi, vous savez le désastre qu'a subi l'empereur Charles Quint sous les murs de Metz au dernier mois de décembre. Le froid et la maladie, en quelques jours, ont détruit sa grande armée de 60 000 hommes d'armes et reîtres. Tous nous jugeâmes alors que c'était la fin de l'Empire. L'Espagnol détruit, le Huguenot écrasé par moi dans les pays de Languedoc, la paix semblait assurée. Et tout ce printemps, Sa Majesté Henri II l'a passé en fête, danses et tournois. Le réveil est terrible. » Le connétable ajouta plus sourdement. « Oui, les éléments qui se mêlent parfois de donner aux conquérants d'effroyables leçons ont infligé à Charles Quint une mémorable défaite. Oui, l'empereur a pleuré en abandonnant ses quartiers où il laissait 20 000 cadavres, 15 000 malades et 80 pièces d'artillerie. Mais le voilà qu'il relève la tête. Il s'avance, il est sur nous. » François écoutait son père avec un sourd frisson d'angoisse. Henri, les bras croisés, l'œil sombre, tenait son regard attaché sur son frère. Le connétable promena ses yeux d'aigle sur ses capitaines et poursuivit. Hier, à 3 heures, la première nouvelle nous en est arrivée. L'empereur Charles Quint se prépare à envahir la Picardie et l'Artois. Cet homme de fer a reconstitué sa grande armée. Et à l'heure même où je parle, un corps d'infanterie et d'artillerie se porte à marche forcée sur Thérouanne. Écoutez tous, Thérouanne prise, c'est la France envahie, vous entendez bien? Voici ce que Sa Majesté et moi, nous avons décidé. Mon armée se concentre sous Paris et partira dans 2 jours. Mais, en attendant, un corps de 2 000 cavaliers va courir à Thérouanne, s'y enfermer et y lutter jusqu'à la mort pour arrêter l'ennemi. « Jusqu'à la mort !» rugirent les capitaines, tandis qu'un frémissement secouait les panaches sur leurs casques comme une rafale d'orage. Or, continua le connétable, pour cette aventureuse expédition, il fallait un chef jeune, indomptable, téméraire. Ce chef, je l'ai choisi. François, mon fils, c'est toi. Moi ? S'exclama François chancelant avec un cri de désespoir. Toi, oui, toi qui vas sauver ton roi, ton père et ton pays à la fois. 2000 cavaliers sont là. Revêt tes armes, sois parti dans un quart d'heure. Va et ne t'arrête plus que dans Thérouan où il faudra vaincre ou mourir. Henri, tu resteras au manoir et le mettras en état de défense. Henri se mordit les lèvres jusqu'au sang pour étouffer un rugissement de joie furieuse. Jeanne est à moi ! Gronda-t-il au plus profond de lui-même. François, livide, fit un pas et haleta. Quoi, mon père ? S'écria-t-il. Moi ? Moi ? Les yeux hagards, l'âme convulsée, il eut la grosse vision de Jeanne, de l'épouse, abandonnée, pleurant au pied du cadavre, là-bas, sans consolation, seul au monde. Moi ? Répéta-t-il. Horreur ! Impossible ! Le connétable fronça les sourcils et, d'une voix rauque, métallique, « À cheval, François de Montmorency, à cheval !»« Mon père, écoutez-moi, 2 heures, 1 heure, je vous demande 1 heure !» cria François en se tordant les mains. Le connétable Anne de Montmorency se dressa tout debout. Une effroyable colère faisait trembler ses joues. Sa parole tomba dans le silence implacable. « Je crois que vous discutez les ordres du roi et de votre chef. »« 1 heure, mon père, 1 heure, et je cours à la mort. » Le vieux chef d'armée, tout bardé d'acier, descendit les marches de son trône. Et il éclata. « Par le tonnerre du ciel, un mot encore, François de Montmorency, un seul, et pour la gloire du nom que vous portez, je vous arrête de mes propres mains. » D'une voix de tempête qui fit trembler les assistants et s'entrechoquer leurs armures, le connétable poursuivit. « La foudre m'écrase si je blasphème. C'est, en 5 siècles, le premier de ma race qui hésite à mourir. » L'outrage était formidable. Il ne restait plus à François qu'à se tuer devant cette assemblée de guerriers dont les cœurs, comme les poitrines, semblaient bardés d'acier. D'une violente secousse, il redressa la tête. Tout disparut de son esprit. Amour, femme, rêve de bonheur. Ses yeux poignardèrent les yeux de son père, et le grondement de sa parole couvrit la parole du vieux chef. Que la foudre écrase donc celui qui a jamais pu dire qu'un Montmorency recule. Pour la gloire du nom, j'obéis, mon père, je pars. Mais si je reviens vivant, monsieur le connétable, nous aurons un terrible compte à régler. Adieu. » D'un pas rude, il traversa les rangs des capitaines épouvantés de cette provocation inouïe, de ce rendez-vous donné au maître tout-puissant des armées, au père. Dès la porte, on l'entendit qui commandait à coups brefs et rauques. « Mon valet d'armes, mon destrier de guerre, mon estramaçon de bataille !» Tous les visages tournés vers le connétable attendaient un ordre d'arrestation. Mais un étrange sourire détendit les lèvres du chef, et ceux qui étaient près de lui l'entendirent murmurer « C'est un Montmorency !» 10 minutes plus tard, François était dans la cour d'honneur, cuirassé, harnaché, prêt à monter à cheval. Il se tourna vers un page. « Mon frère Henri, dit-il, qu'on aille appeler mon frère !» « Me voici, François !» Henri de Montmorency apparut dans la lumière des torches. Il ajouta avec effort. « Je t'apportais mes vœux et mes adieux, puisque je reste, moi !» François le saisit par la main, sans remarquer que cette main brûlait de fièvre. « Henri, dit-il, es-tu vraiment un frère pour moi ?» Henri tressaillit, rougit, balbutia. « Qui te permet d'en douter ?» « Pardonne, je souffre tant. Tu vas comprendre. Je pars, Henri, je pars pour ne plus revenir, peut-être. Et je laisse derrière moi une immense détresse. »« Une détresse ? Un malheur. Écoute de toute ton âme, car de ta réponse va dépendre ma suprême résolution. Tu connais Jeanne, la fille du seigneur de Pienne ? Je la connais, répondit sourdement Henri. Eh bien, voici le malheur. Je pars, et Jeanne et moi, nous nous aimons. Henri étouffa un rugissement de rage. Tais-toi, continua François, écoute jusqu'au bout. Depuis 6 mois, nous nous aimons. Depuis 3 mois, nous sommes l'un à l'autre. Depuis 2 heures, elle s'appelle Montmorency, comme moi. Une sorte de gémissement râla dans la gorge d'Henri, comme s'il n'eût rien vu, rien su. Ne t'étonne pas, poursuivit fiévreusement François, ne t'exclame pas. Elle-même te dira demain que le chapelain de Margency nous a unis cette nuit. Mais ce n'est pas tout. En ce moment, Jeanne pleure sur un cadavre. Le seigneur de Pienne est mort. Mort dans l'église même, tout à l'heure, en me jetant un dernier regard qui m'ordonnait de veiller sur le bonheur de son enfant. Et ce n'est pas tout encore. Margency fait retour à la maison du connétable. Oh, Henri, Henri, ceci est affreux. Je laisse Jeanne seule au monde, sans défense ni ressources. M'entends-tu ? Me comprends-tu ? J'entends, je comprends. Frère, écoute-moi bien à présent. Acceptes-tu le dépôt que je veux te confier ? Me jures-tu de veiller sur la femme que j'aime et qui porte mon nom ? Henri frissonna longuement, mais il répondit : Je te le jure. Si la guerre m'épargne, je retrouverai l'épouse dans la maison de son père sans que jamais elle ait souffert en mon absence. Car tu seras là pour la protéger, la défendre. Me le jures-tu ? Je te le jure. Si je succombe, tu révéleras ce secret au connétable et tu lui imposeras la volonté de ton frère mort. Que ma part du patrimoine mette à jamais ma veuve à l'abri de la pauvreté et lui fasse une existence honorée. Me le jures-tu ? Je te le jure, répondit Henri pour la 3e fois. François l'étreignit alors dans ses bras en disant : C'est bien, maintenant je puis partir. Et mettant toute son âme dans ce mot, il prononça lentement : Tu as juré, souviens-toi. À peine fut-il en selle qu'il alla se placer à la tête des 2000 cavaliers rassemblés sur une esplanade, sombre masse confuse hérissée de lueurs de sabre. Une minute, François se tourna vers Margency, et il pleura. Car le fils aîné de la grande race guerrière avait un cœur tout vibrant de jeunesse et d'amour. Il pleura, et, à travers les larmes, ses yeux fouillèrent les ténèbres pour se reposer une dernière fois sur le toit qui abritait la bien-aimée. Mais la nuit était profonde, la vallée noire, le bourg invisible. Il murmura « Adieu, Jeanne, adieu !» Et, aussitôt, levant le bras, d'une clameur éclatante et désespérée que le vieux Montmorency dut entendre du fond de son manoir, il cria « En avant, jusqu'à la mort !» Les 2000 cavaliers, les 2000 sacrifiés, d'un accent sauvage, rugirent « Jusqu'à la mort !» Alors, la lourde masse de cavaliers s'ébranla d'un trot pesant, roula comme un grondement de tonnerre et s'enfonça vers l'horizon noir avec ses torches rouges, ses éclairs d'acier, ses cliquetis d'armes, pareil à un mystérieux météore qui passe dans la nuit. Le connétable, du haut du perron, écouta ce bruit d'avalanche qui s'éloignait. Quand ce fut fini, il poussa un profond soupir et, montant à cheval à son tour, prit le chemin de Paris. Henri demeura seul.